là, encore une prostate au volant. Ah ouais, pépère, encore un autre, tu le cruises à 130. Ah ouais, gros, il avance, pépère. Allez, avouez, pépère, s'il faut que je te dépense par-dessus, avance, gros, il fait quelque chose. Oh, il roulait qu'à 130. Pancarte là encore, une pancarte jaune avec des enfants qui traversent. Qu'est-ce que... Ah! Ça doit être un jeu vidéo. Hey, qu'est-ce que je vois là-bas dans la rue? Un paquet d'enfants qui traversent. Ah, j'ai compris! Hey, j'en ai frappé au moins 25. Ça fait 25 points. Hey, monsieur! Je vais avoir une partie gratis, là! Encore les polices après moi. Bon, qu'est-ce que je fais déjà? C'est quoi ça, cette lumière-là? Rouge! C'est quoi que ça veut dire déjà? Ah oui, c'est comme le taureau. Je pèse sur le gaz, puis j'avance et je vais au fond. Bon, c'est quoi qu'il y a là-bas encore? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait là, cette vanne-là, dans le milieu de la rue? Hey! Bon, je suis encore tout dépeigné.